Deuxième livre des Rois, chapitre 12. La septième année de Jéhu, Joas commença à régner, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom de Sibja, et elle était de Beé-Seba. Joas fit ce qui est droit devant l'Éternel pendant tout le temps que Jéhojada le sacrificateur l'enseigna. Toutefois les hauts lieux ne furent point ôtés, le peuple sacrifiait encore, et faisait des encensements dans les hauts lieux. Et Joas dit au sacrificateur, quant à tout l'argent consacré, que l'on apporte dans la maison de l'Éternel, soit l'argent de tout homme qui passe par le dénombrement, soit l'argent des personnes selon l'estimation qu'en fait le sacrificateur, et tout l'argent que chacun apporte volontairement, dans la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent par devers eux, chacun de celui qu'il connaît. Et qu'ils en réparent ce qui est à réparer du temple, partout où l'on trouvera quelque chose à réparer. Mais il arriva que la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point encore réparé, ce qui était à réparer au temple. Et le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada, et les autres sacrificateurs, et il leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas réparé, ce qui était à réparer au temple, or maintenant ne prenez plus d'argent de ceux que vous connaissez, mais laissez-le pour ce qui est à réparer au temple. » Et les sacrificateurs s'accordèrent à ne prendre plus l'argent du peuple, et à ne réparer point ce qui était à réparer au temple. C'est pourquoi le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, et fit un trou à son couvercle, et le mit auprès de l'autel à main droite, à l'endroit par où l'on entrait dans la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs qui y gardaient les vaisseaux, mettaient là tout l'argent qu'on apportait à la maison de l'Éternel. Et dès qu'il voyait qu'il y avait beaucoup d'argent au coffre, le secrétaire du roi montait avec le grand sacrificateur, et il mettait dans des sacs l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel, puis il le comptait. Et il délivrait cet argent bien compté entre les mains de ceux qui avaient la charge de l'œuvre, et qui étaient commis sur la maison de l'Éternel, lesquels le distribuaient aux charpentiers et architectes, qui refaisaient la maison de l'Éternel. Et aux maçons, et aux tailleurs de pierre, pour acheter du bois et des pierres de taille, afin de réparer ce qui était à réparer dans la maison de l'Éternel, et pour acheter tout ce qu'il fallait employer pour la réparation du temple. Au reste, de cet argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on n'en faisait point de coupe d'argent, pour la maison de l'Éternel, ni de serpe, ni de bassin, ni de trompette, ni aucun autre vaisseau d'or, ou vaisseau d'argent, mais on le distribuait à ceux qui avaient la charge de l'œuvre, lesquels en réparaient la maison de l'Éternel. Et on ne faisait point rendre compte à ceux entre les mains de qui on avait délivré cet argent pour le distribuer à ceux qui faisaient le travail, car ils le faisaient fidèlement. L'argent des sacrifices pour le délit, et l'argent des sacrifices pour les péchés, n'était point apporté dans la maison de l'Éternel, car il était au sacrificateur. Alors Hazaël roi de Syrie monta, et fit la guerre contre Gat, et la prit, puis Hazaël tourna visage pour monter contre Jérusalem. Mais Joas roi de Juda prit tout ce qui était consacré, que Josaphat, Joram, et Achazia ses pères, rois de Juda, avaient consacré, et tout ce que lui-même avait consacré, et tout l'or qui se trouva dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et l'envoya à Hazaël roi de Syrie, qui se retira de devant Jérusalem. Le reste des faits de Joas, tout ce, dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Zéroer ses serviteurs se soulevèrent, et se liguèrent, et frappèrent Joas dans la maison de Milo, qui est à la descente de Sia. Josachar fils de Simath, et Josaba fils de Somé ses serviteurs le frappèrent, et il mourut, et on l'ensevelit avec ses pères dans la cité de David, et Amatsia son fils régna en sa place.